Sors le chien. Il faut vraiment que je sorte le chien maintenant. Fais ton lit. Il faut vraiment que je fasse mon lit maintenant. Prends une douche. Il faut vraiment que je prenne une douche maintenant. Va chercher du pain. Il faut vraiment que j'aille chercher du pain maintenant. Écris à ta grand-mère. Il faut vraiment que j'écrive à ma grand-mère maintenant.